Je suis arrêté depuis 2 minutes. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins le moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D.